Les Freaks. Ta gueule! Jamie Dubois. La tienne! Les Freaks. Ta gueule! Jamie Dubois. Martin Gérard! Et du délire! Mets un double sans fil d'air! C'est moi qui commande! En de bon entendeur, salut! Bon, bah, non, ouais. Manu! Oui? Avec un con comme moi, on s'amuse avec un con comme toi en plus! Bon, déjà pour l'instant, tu fermes ta gueule! Martin Gérard! Tu as dégagé au standard. C'est tout des cons à trois. Bah bien sûr, allez, foutez-vous de ma gueule. Foutez-vous de ma gueule, allez. Tirez le mot de ta mère, connard. Oui. Merci. Oui. Toujours même problème. Menu. Mais qu'est-ce qu'il aime bien? Trigger. Bonsoir, connard. Cindy. C'est impossible. Sol tu veux monter sur moi, c'est tout. C'est non, non, non, non, non, non, non, non. Je dois pas descendre 12 ans. Et connais ça avec ta mère, connard. J'ai dit qu'on parlait pas de la loco. Tu t'écrases la poupière. Oh, vous arrêtez derrière de ronfler comme des putes. Celui-là c'est un mec de 3, j'aime pas trop les connards de 3. Il a son tomate en brouti. Oh là là là là là là. Je commence à en avoir ras-le-bol. Bonsoir, connard. Cindy. C'est impossible. Sanctuaire. Et je n'y ai pas. Je vois. Non, non, non, non, non, non, non, non. Tu vas aller sucer la bite de ton chien. Au revoir. Tu iras dire ça dans ta chatte. Allez, ouais, vas-y, espèce de tremblot. Enculé, alors va te faire le foutre, toi, espèce de pétasse. Oh, qui c'est qu'on dit chier, là, c'est la deuxième pour ta droite. Bon, bah, là, tu vas te faire foutre, toi. Une petite fille, tu gars. Le défenseur de gros cul, t'en mets un mitre. D'accord, c'est dangereux pour toi quand tu vas avoir une pute au bois de boulette. Abruti, va te faire sauter, toi, connard. Alors, tu dégages. Terminé, va te faire enculer, dégage. En de bon entendeur, salut. C'est qu'est-ce qu'il aime bien? Mec. Bonsoir, connard. C'est impossible. Non. Sexy. Ouais, ouais, ben tu vas te calmer, d'accord, tout de suite. Ok. Donc, t'as entendu la question? Oui. Bon, alors tu peux répondre? Bien sûr, que ça, alors je te dirai que. Hey, je vais te dire une chose. Au revoir. Donc, vous retrouvez des auditeurs, je vois pas ça. Allez, hop. Je ne travaille pas comme ça. Au revoir. Au revoir.